Jean, je crois que tu veux dire quelque chose. Oui, enfin, juste pour dire que l'aspect juridique, il faut le mettre à sa juste place. Ça fait partie des outils que les citoyens, les collectifs et les organisations ont entre leurs mains pour, à certains moments, contester, mettre en difficulté le pouvoir politique, qu'il très largement construit, c'est-à-dire son dispositif et le force, on le voit aussi sur la question des retraites, hein, force l'opinion publique à intérioriser un certain nombre de valeurs. Mais je pense que notre bataille, elle doit être bien plus essentielle. Et en même temps, ne pas gommer que les arguments invoqués ici, ils ne sont pas seulement invoqués, comme tu sembles le dire, a posteriori, mais que pour l'essentiel, ils ont été dits a priori. C'est-à-dire qu'ils ont été affichés dès avant, dans les pseudo-phases, non pas de concertation, mais où le gouvernement, la ministre, le Premier ministre ou le président de la République ont exposé la logique, voire ce qu'ils prétendent, la cohérence de leur dispositif de contre-réforme, et où nous avons, je pense, assez largement, au-delà des forces syndicales, eh bien, démonté leur argumentation et rétablit les objectifs, le fond des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche qui tend complètement à disparaître et en même temps la nécessité d'un processus démocratique d'élaboration de véritables transformations. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut aussi faire comprendre, c'était le sens que je voulais donner à mon intervention tout à l'heure, c'est que, bien sûr, il faut casser la loi LRU, il faut casser tous les décrets d'application et plein d'autres choses. Mais en même temps, aucun statu quo n'est possible et aucun retour en arrière. Et ça, il faut bien le faire comprendre aux collègues, c'est-à-dire qu'il faut les appeler pas seulement à être attentifs à des recours juridiques qui sont parfaitement fondés et qu'on espère voir aboutir, mais en même temps à être tous co-auteurs, co-élaborateurs d'engagements alternatifs. Eh bien, pour gagner sur le plan général, pour gagner dans les établissements, où là, je crois, on a un véritable travail, une pédagogie de la réflexion et de l'action et de la responsabilité. Et je voulais intervenir sur un autre point. Si on commence à laisser à croire que, dans le cadre actuel, nos collègues maîtres de conférences, chargés de recherche, directeurs de recherche ou professeurs d'université, sont tellement menacés qu'ils doivent se faire tout petits face au président d'université, alors à ce moment-là, la messe est dite. Hein. Je crois que non, nous avons à la fois des garanties individuelles qui demeurent, qui sont fortes, un statut de la fonction publique. C'est la différence aussi entre les statuts des personnels titulaires et la multitude des précaires qu'on voit recrutés pour toutes les fonctions de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc à la fois des statuts qui sont encore protecteurs, un statut national qui est justement aussi menacé, mais qu'on a su préserver pour une part importante, pas encore, pas suffisante, mais importante, et en même temps des garanties collectives que nous nous sommes données historiquement, et bien par les formes et les instances de représentation et les organisations collectives comme les syndicats ou les associations de spécialistes, les sociétés savantes. C'est extrêmement important. Si on laisse penser à des collègues, maîtres de conférences et encore plus professeurs d'université, que oui, il faut qu'ils se fassent tout petits et qu'ils obéissent au doigt et à l'œil au président d'université, alors effectivement, il n'y a pas vraiment beaucoup de résistance possible. Donc non, nous avons des forces et nous avons des garanties et en même temps, on peut se faire entendre, on est capable de porter un discours qui est cohérent, qui est solidaire, qu'on n'est pas un seul individu à porter. C'est, il me semble, extrêmement important de le dire. Tu as raison, je crois qu'il y a des demandes de parole sur le banc.